Je sors de la zone, à moi t'es pété. Allez hop, je prends le flash, je le vide dans le vitel. Direction le studio, ouais ça sent l'été. Pour ma part, je vais taffer, ne venez pas m'embêter. La da da da, ça parle du quartier. Ça parle de ces salopes qu'il faudra un jour charger. J'y ai pas balle au milieu de la piste. L'autre sous la ceinture, les bras écartés. Ne me parlez pas des folles, je connais leur code. Te prennent pour un con, te donnent leur cul seulement quand t'as des sous. Ne me parlez pas des potes qu'on parlait dans mon dos. Pour un peu de code, mais la plupart d'entre eux m'ont déçu. Je veux du son de la zone, je ramène. T'inquiète, mes ponts, les baisses, à l'aise. Et même si les condés se ramènent, on les repère dans tout le ghetto, on les balade. Tu veux du son dans la zone, je ramène. T'inquiète, mes ponts, les baisses, à l'aise. Et même si les condés se ramènent, on les repère dans tout le ghetto, on les balade. On pense qu'à faire de l'oseille, qu'à faire de l'oseille. On veut briller comme le soleil, ici c'est Marseille. Le soir je dors plus, j'entends des ratatata. Chinga tu madre pendejo. J'lève mon verre à mes hermanos. C'est à mon tour de percer. J'ai perdu mon temps à traîner dans mon ghetto. Laisse-moi faire mon business. On arrive dans le game, mais pourquoi tu stresses, hein? Graya NAPS. Mina, minimum on encaisse. On veut tous rouler en bolide, grosse pièce. Direction Miami. On rêve de la femme à cri-cri et du salaire à mes dix. On pense qu'à faire de l'oseille. Sortir de la zone, changer de décor. Bolide des grosses hommes, pourvu qu'on s'en sort. Pourquoi tu fais le voyou? On veut tous des gros sous. Sortir des feux trous, le quartier nous rend fous. Pourquoi tu fais le voyou? On veut tous des gros sous. Sortir des feux trous, le quartier nous rend fous.